récemment sur la croix. Quand je me souviens, alléluia, Jésus c'est lui qui m'a donné sa vie. Quand je me souviens, oh oui, quand je me souviens de sa peine sur la croix. Quand je me souviens, alléluia, il m'a sauvé, il m'a donné son amour. Quand je me souviens, oh oui, oh oui, oh oui, j'appartiens à Jésus, alléluia, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Oh oui, j'appartiens à Jésus, alléluia, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Oh oui, oh oui, j'appartiens à Jésus, il m'a aimé. Y a loco.